Chapitre 12e. Paysans comparés à ceux d'Angleterre, mariage précoce, charité, indépendance et égalité, prière dans une chaumière. Mohawk, ainsi qu'on appelait notre petit village, nous fournit une bonne occasion de comparer les paysans des États-Unis avec ceux d'Angleterre et de juger quels étaient les plus heureux. Je crois que l'État d'Ohio est aussi favorable pour établir cette comparaison qu'aucun autre des États de l'Union. Si les paysans de l'Ohio ont à lutter contre les inconvénients d'un État nouvellement formé, ils ont en compensation des gains plus élevés et des provisions moins chères. Si je me trompe en disant que c'est un pauvre État pour les commodités de la vie, ce n'est certainement pas faute d'expérience. Les bons ouvriers mécaniciens sont certains d'y trouver de l'ouvrage et de recevoir un prix même plus élevé qu'en Angleterre. Les gages habituels d'un laboureur dans tous les États-Unis sont de 10 dollars par mois lorsqu'il est nourri, logé, blanchi et raccommodé. S'il vit à ses dépens, il a un dollar par jour. Je crois que tous les paysans qui sont industrieux et bien portants peuvent se procurer facilement les nécessités de la vie, c'est-à-dire de la viande, du pain, du beurre, du thé, du café. Il est inutile de parler du whisky. Et cependant, il me semble qu'un paysan anglais, honnête et industrieux, qui viendrait s'établir en Amérique, perdrait au change. Il serait payé un peu plus cher, et les denrées sont à meilleur marché dans l'Ouest surtout. Mais quelque réel que tout cela soit, il ne faut pas séparer cet avantage de 1000 choses non moins vraies et non moins importantes qui ont besoin d'être décrites avec plus de détails et qui, malgré cela, ne seront peut-être parfaitement comprises que par ceux qui en ont été témoins. Les Américains pauvres sont habitués à manger de la viande 3 fois par jour. C'est une chose que j'ai remarquée chez tous les paysans de l'Ouest. Dans le Maryland, la Pennsylvanie et autres parties de l'Amérique où le prix de la viande est plus élevé, on en use avec plus d'économie. Cependant, les paysans dépensent pour cet objet une plus grande partie du gain de la semaine qu'on ne le fait chez nous. Les liqueurs fortes, quoique d'un bon marché déplorable, coûtent cependant quelque chose, et l'usage en est universel avec plus ou moins de discrétion, suivant le caractère de chacun individu. Le tabac croît à chaque porte et n'est point imposé, mais il coûte encore quelque chose, et les Américains se priveraient plutôt d'air que de chiquer du tabac. Je n'en suis pas maintenant à faire remarquer les inconvénients de boire de l'eau-de-vie, mais dans un pays où cette habitude domine généralement, et souvent jusqu'à l'excès le plus effrayant, on doit en tirer la conséquence que l'argent dépensé pour un verre d'eau-de-vie est moins considérable que l'argent perdu par le temps employé à le boire. Des maladies longues et coûteuses sont plus fréquentes en Amérique qu'en Angleterre, et les malades n'ont pour s'aider que l'argent qu'ils ont épargné, ou les denrées qu'il leur est possible de vendre. Je n'ai jamais été témoin d'une misère aussi grande que celle qui existe dans une chaumière américaine lorsque la maladie y a passé. Mais si la condition d'un laboureur n'est pas supérieure à celle d'un paysan anglais, celle de sa femme et de ses filles est bien plus misérable. Ce sont elles qui sont réellement les esclaves du pays. On n'a qu'à demander à la femme d'un paysan américain quel est son âge pour se convaincre que son existence n'est composée que de travail et de privation. Il est rare de voir dans cette classe une femme de 30 ans qui n'ait pas perdu toute trace de jeunesse et de beauté. Vous voyez continuellement des femmes avec des maillots sur leurs genoux dont vous les croyez grand-mères, jusqu'à ce qu'elles vous aient donné des preuves irrécusables du contraire. Les jeunes filles elles-mêmes, quoique souvent avec des traits charmants, sont pâles, maigres et ont un air hagard. Je ne me rappelle pas avoir vu dans aucune occasion, parmi les pauvres, une de ces jeunes filles grasses, roses à la figure riante, qu'on rencontre si souvent dans nos chaumières. L'horreur de la domesticité, que la réalité de l'esclavage et l'égalité prétendue ont engendré, ravit aux jeunes filles cette ressource sûre et décente des jeunes anglaises, et la conséquence en est que, malgré la liberté la plus irrespectueuse envers leurs parents, les jeunes paysannes américaines sont dans toute l'étendue du mot des domestiques esclaves. Cette condition, qu'aucune récréation, aucune fête de village n'embellisse jamais, n'est changée que contre le fardeau plus triste et plus lourd encore d'une femme. Elle se marie très jeune en général. Dans aucune classe de la société, vous ne rencontrez de jeunes créatures dans cette délicieuse période de la vie, entre l'enfance et le mariage, qui, lorsqu'elle est bien employée, offre les moyens d'acquérir tant de connaissances utiles, et pendant laquelle le caractère prend un degré de fermeté suffisant pour qu'elle puisse dans la suite représenter avec dignité les scènes les plus importantes du rôle d'épouse et de mère. En Amérique, la jeune fille dont la taille frêle se soutient à peine, sans vigueur d'esprit ou de corps, est lancée sur un océan de troubles. Bientôt ses yeux perdent leur éclat, ses joues deviennent pâles, avant même que la nature ait donné la dernière touche à sa beauté. Nous nous tirerons d'affaire. C'est la seule réponse que donnent aux personnes qui s'inquiètent de leur avenir, un jeune garçon et une jeune fille qui ont mis dans leur tête d'aller devant un magistrat et d'être unis. Et ils se tirent d'affaire en empruntant une cafetière à l'un, une théière à l'autre, jusqu'à ce que l'intempérance, l'oisiveté ou la maladie plongent bientôt ceux-mêmes qui se conduisent le mieux dans un état dénué de toute ressource. L'absence des lois pour les pauvres est sans doute un bienfait pour le pays, mais ils ne connaissent pas non plus cette dépendance naturelle et raisonnable envers les classes plus riches, qui, dans des pays différemment gouvernés, en tient lieu. Je suppose qu'il y a moins de charité faite en Amérique qu'en aucun autre pays chrétien sur la surface du globe. Il n'est pas dans le caractère de ce peuple, soit de donner, soit de recevoir. J'extrais ce passage pompeux d'une gazette de Washington, de février 1829, saison de misère et de souffrance pour le pauvre, qui peut justifier mon observation. Parmi les preuves de sympathie et de libéralité envers les pauvres de cette ville, nous en citerons deux qui sont venues à notre connaissance et qui méritent d'être recueillies. La première est un don de $50 offert par le président des États-Unis au comité des pauvres du quartier dans lequel il réside. L'autre est une donation faite par quelques officiers appartenant aux sociétés religieuses de $72. Lorsqu'on décrit avec une telle emphase une aumône d'environ 9 livres sterling faite par le magistrat souverain des États-Unis et une autre de 13 livres comme une contribution d'un des départements de l'État, on peut en conclure que les souffrances des pauvres d'Amérique ne sont pas très libéralement secourues par la charité publique. Je n'étais pas depuis 3 jours à Mohawk lorsque 2 enfants en guenilles vinrent me demander un remède pour leur mère malade. Je le leur donnais. Alors l'aîné tire de sa poche une poignée de petites monnaies, me demandant ce qu'il me devait. Lorsqu'on sut que nous ne consommions pas tout le lait de notre vache, on vint me demander le surplus, mais chaque nouveau venu me proposait de me le payer. Quand on fut convaincu que la vieille anglaise ne voulait rien vendre, je suis persuadé qu'on ne l'en aima pas davantage, mais on parut penser que, si elle était folle, ce n'était pas une raison pour qu'on le fût aussi. Alors les paysans ne cessèrent de venir emprunter tout ce dont ils pouvaient avoir besoin, mais toujours d'une manière et avec des formes qui mettaient à couvert leur dignité et leur indépendance. Une femme m'envoyait demander 1 livre de fromage, une autre 1/2 livre de café, et souvent 1 pinte de lait avec la condition qu'il fût bien frais et non écrémé. Dans une occasion, le messager refusait le lait en disant « Ma mère avait seulement besoin d'un peu de crème pour son café ». Je ne pus jamais leur persuader, pendant 1 an que je demeurais dans le village, que je n'entendais point vendre les vieilles hardes de la famille. Ils étaient si obstinément décidés à faire du commerce que souvent, lorsque je leur donnais les articles qu'ils avaient besoin d'acheter, ils me disaient « À la bonne heure, mais j'espère que vous m'offrez travailler pour cela et que vous m'enverrez chercher quand vous aurez besoin de moi. » Mais comme je ne les envoyais jamais chercher et qu'ils me répétaient constamment la même formule, je commençais à soupçonner qu'ils ne parlaient ainsi que pour éviter de prononcer cette phrase la plus antipathique aux Américains « Je vous remercie ». Il y avait un homme dont je surveillais les progrès de fortune avec autant d'intérêt que de plaisir. Lorsque je devins sa voisine, lui, sa femme et 4 enfants vivaient dans une chambre, ayant à discrétion du bœuf et des oignons à déjeuner, dîner et souper, mais connaissant peu d'autres douceurs. C'était un des plus beaux hommes que j'ai jamais vus, plein d'esprit naturel et d'activité, mais ne sachant ni lire ni écrire. Il ne buvait presque pas de whisky, ne chiquait que rarement du tabac, ce qui le rendait moins sujet à cette expectoration qui fait de la conversation des hommes une chose insupportable. Il travaillait pour nous, et il lui arrivait souvent d'entrer dans notre salon, de s'asseoir sur notre canapé et de me raconter ses projets. Il fit un arrangement avec le propriétaire de la forêt dont nous avons parlé, par lequel la moitié du bois qu'il pourrait abattre lui appartenait. Son industrie infatigable lui rendit cet arrangement avantageux, et il acquit assez de matériaux pour se construire une bonne maison de bois. Il la fit presque à lui tout seul. Il se chargea ensuite d'autres travaux pour les propriétaires, et comme il avançait une fois plus que les autres ouvriers, ses journées étaient doubles. Alors il loua la moitié de sa jolie maison qui était admirablement construite et avait un grand portique pour y entretenir la fraîcheur. Il se chargea ensuite de la construction d'un pont de bois, et lorsque je quittai Mohawk, sa maison était devenue un hôtel et un magasin d'épicerie. Je ne doute pas que chaque année n'ait vu augmenter ses richesses. Il espérait faire de son fils un avocat, et je ne serais point étonné qu'il ne vît un jour siéger au Congrès. Lorsque ce temps arrivera, le fils du coupeur de bois marchera de nouveau avec les premiers de la République, et il ne viendra jamais à l'imagination de ses plus fiers compatriotes de lui reprocher sa naissance. Voilà le seul point dans la société américaine que je reconnaisse comme une preuve de l'égalité dont elle se vante. Le fils du paysan le plus pauvre peut devenir l'égal du fils du président, et la conscience de ce qu'on peut être un jour doit être un grand aiguillon pour celui qui veut faire son chemin. D'un autre côté, c'est aussi la source de cette grossière familiarité qui n'est adoucie par aucune ombre de respect et qui est pratiquée par la classe la plus basse à l'égard de la classe la plus riche et la plus élégante. Ceci est un mal positif et je crois qu'il l'emporte sur les autres avantages de l'égalité. Je puis encore observer ici que la théorie de l'égalité peut être discutée avec succès dans une salle à manger de Londres lorsque le domestique, ayant posé une nouvelle bouteille de vin sur la table, ferme respectueusement la porte et abandonne ses maîtres à leur sagesse devant un bon dessert. Mais on trouvera qu'elle se présente avec moins d'avantages, sous la forme d'un paysan crasseux, et lorsqu'elle est réclamée par une bouche qui respire moins la liberté que l'oignon et le whisky. Il faudra, je puis l'attester, que l'amour de l'égalité soit bien fort dans un Anglais, si cet amour résiste à un voyage en Amérique. Il y avait une maison dans le village qui était remarquable par son aspect misérable. Elle avait un air de pauvreté indécente qui m'empêcha longtemps d'y entrer. Mais plus tard, lorsque j'appris que je pourrais y acheter des poulets et des œufs quand j'en aurais besoin, je me hasardai de passer le seuil de la porte. En entrant, j'abandonnai presque mon dessein. Je n'avais jamais contemplé tant de saleté et de misère. Une femme, véritable image de la souffrance, tenait un enfant décharné sur son bras gauche, tandis qu'elle pétrissait sa patte avec la main droite. Une grande fille pâle et maigre, d'environ 12 ans, était assise sur un baril, rongeant un blé de Turquie. Lorsque j'expliquai ce que je désirais, la femme me répondit « Je n'ai ni poulet ni œufs à vendre, mais mon fils en aura, je l'espère. »« Ici, Nick, » cria-t-elle au bas d'une échelle, « voici une vieille femme qui a besoin de poulet. » Nick fut descendu en un instant, et je m'aperçus que mon marchand était un des gamins déguenillés que j'avais souvent rencontrés dans mes promenades, jouant aux billes dans la poussière et jurant comme un charretier. Il avait environ 10 ans. « Avez-vous des poulets à vendre, mon garçon ?»« Oui, et des œufs aussi, plus que vous n'en voudrez acheter. » Ayant demandé le prix, je me rappelais que j'étais habitué à donner au marché la même somme qu'il exigeait, et que cependant les poulets du marché étaient plumés et prêts pour la table. Je lui dis que les siens ne devaient pas être si chers. « Oh ! Quant à cela, je puis les retrousser tout aussi bien que ceux que vous achetez au marché. Vous pouvez les retrousser ? Oui, pourquoi pas ? Je croyais que vous aimiez trop à jouer aux billes. » Il me lança un regard fin et me dit « Oh, vous ne me connaissez pas. Quand aurez-vous besoin des poulets ?» Il me les apporta le jour que je lui avais indiqué et parfaitement bien préparé. Je lui en achetais souvent dans la suite. Lorsque je le payais, il mettait toujours la main dans la poche de sa culotte qui, étant sa caisse, je le suppose, était mieux fortifié que le reste de ses vêtements en guenilles. Il en retirait plus de dollars, de demi-dollars et de monnaie que sa petite main sale ne pouvait en contenir. Ma curiosité était excitée, et bien que je sentisse un dégoût involontaire pour ce petit juif, je causais souvent avec lui. « Vous êtes bien riche, Nick, » lui dis-je, un jour qu'il tirait avec affectation son argent pour me rendre de la monnaie. Il sourit avec une expression qui n'appartenait nullement à l'enfance et me répondit « Il me semble que je ne serais pas trop riche si c'était là tout ce que je possède. » Je le questionnai sur son commerce, et il me répondit qu'il achetait des œufs par centaines et des poulets maigres par vingtaines aux marchands qui passaient en charrette devant leurs portes pour se rendre au marché, qu'il engraissait ces derniers dans des mues qu'il avait faites lui-même, ce qui pouvait facilement en doubler le prix, que ses œufs lui rapportaient aussi un bon bénéfice en les vendant à la douzaine. Et donnez-vous l'argent que vous gagnez à votre mère ? J'espère bien que non, reprit le jeune marchand, avec un second regard rempli de cupidité. Qu'est-ce que vous en faites, Nick ? Son regard signifiait clairement « Qu'est-ce que cela vous fait ?» Cependant, il me répondit assez poliment « J'y prends garde, madame. » Comment Nick gagna-t-il son premier dollar ? C'est une chose difficile à savoir. J'ai entendu dire que, lorsqu'il entrait dans une boutique du village, la personne qui servait appelait toujours à son aide un autre surveillant. Mais enfin, de quelque manière qu'il l'ait eu, l'activité et l'industrie qui augmentaient son trésor eussent été délicieuses dans un de ces jolis petits garçons de Miss Edgeworth qui aurait tout porté à sa mère. Mais dans Nick, tous ces avantages étaient une malédiction du ciel. Aucun sentiment humain ne semblait échauffer son jeune cœur, pas même l'amour de lui-même, car il était sale et déguenillé, il avait l'air de mourir de faim. Et je ne doute pas que la moitié de ses dîners et de ses soupers ne servit à engraisser ses poulets. Je ne donne pas cette histoire de Nick comme une anecdote caractéristique de l'Amérique. Tout ce qui peut avoir rapport à ce pays, c'est l'indépendance de ce petit homme et le caractère sec, égoïste et rempli de calculs qui en résultait. Probablement Nick sera un jour fort riche. Peut-être deviendra-t-il président. Je fus un jour si sévèrement grondé pour avoir dit que je ne croyais pas que tous les Américains fussent également éligibles relativement à cette place, que je me garderais bien maintenant de douter des droits du plus mince d'entre eux. Une autre de nos connaissances était un jardinier qui allait vendre ses fruits et ses légumes au marché et auquel nous avions souvent affaire. Nous reçûmes un jour une invitation fort polie de la part de la femme de cet homme de venir passer la soirée avec eux en prière. La nouveauté de cette circonstance et son peu de rapport avec les usages de notre pays me portèrent à accepter cette invitation. C'est aussi la raison pour laquelle je fais ici mention de cette soirée. Nous fûmes reçus avec une grande politesse et on nous offrit une place sur un des bancs qui entourait le petit parloir. Il y avait déjà plusieurs personnes ayant l'air d'automates. Chacun était assis dans un profond silence et avec un air solennel que les gens dévots prennent en entrant dans une église. Enfin, un homme de haute taille, au visage brun et renfrogné, entra dans la chambre. Son costume, la coupe de ses cheveux, toute sa tournure rappelait à l'esprit un des fanatiques de Cromwell. Il marcha d'un air grave jusqu'au milieu de la chambre, prit une chaise, mais ne s'assit pas. Il tourna le dos de cette chaise vers lui, y posa les mains. Fit entendre un son qui tenait le milieu entre le bruit que produit l'enrouement et celui de la toux, et déposa librement de chaque côté de lui une énorme quantité de tabac mâché. Alors il commença à prêcher. Son texte était « Vivez en espérance ». Et il le commenta pendant 2 heures avec un ton traînant et nasillard, ne se donnant d'autre répit que le temps qu'il s'accordait pour cracher. Si je disais qu'il répéta les paroles de son texte plus de 100 fois, je crois que je n'exagérerais pas, car il lui fallait plus d'une minute pour chaque répétition. Et le discours n'était pas composé d'autre chose. Les tons différents avec lesquels il les prononça auraient pu servir de modèle. C'étaient des accents de triomphe, de désespoir, de pitié, de menace, d'autorité, de doute, d'espérance et de foi. Lorsqu'il eut épuisé toutes les variantes imaginables de ton, il dit brusquement « Prions ». Et faisant faire un demi-tour à sa chaise, il s'agenouilla devant. Chacun s'agenouilla aussi devant le siège qu'il avait occupé et écouta pendant une demi-heure un jargon familier, sans la moindre lueur d'éloquence, qui était une prière au Créateur, soi-disant improvisée. En cela néanmoins, l'apôtre de Chaumière suivit seulement l'exemple de chaque prédicateur de l'Union, excepté les épiscopaux et les catholiques. Ceux-ci seulement ne se croient pas permis de s'adresser à la divinité dans un langage rude et sans dignité. Ceux-là sont quelquefois peut-être de bonne foi, mais il nous est permis de dire qu'il prie Dieu de travers. Je m'informai plus tard d'un de mes amis, fort au courant de ces sortes de choses, comment ce prêcheur d'espérance et ses pareils étaient payés de leur peine. Il me répondit que le commerce était excellent et que plus d'une bonne femme prenait sur elle de donner à ses apôtres voyageurs un peu plus que la dîme sur l'argent que son bonhomme lui donnait à garder. Ses ministres basanés s'en vont de village en village, de ferme en ferme, montés sur un bon bidet. Ils ne sont pas seulement aussi vides que le vent, mais ils lui ressemblent en plus d'une chose. Ils vont où le caprice les guide, et on ne sait jamais d'où ils viennent, ni où ils se dirigent. Lorsqu'ils voient une maison dont l'aspect leur promet un bon lit et un bon souper, ils y entrent et disent à la maîtresse « Ma sœur, prierai-je avec vous ?» Si la réponse est favorable, et il est rare qu'elle ne le soit pas, ils s'installent avec leur cheval jusqu'au lendemain après déjeuner. Les meilleurs mets, le meilleur vin, la plus belle chambre sont pour eux. Et ils ne partent guère sans avoir levé une petite contribution en argent pour le soutien de l'Église crucifiée et souffrante. N'est-il pas étonnant que le peuple le plus intelligent du monde préfère une telle religion aux dogmes épurés par la sagesse et la piété des hommes les meilleurs et les plus éclairés, sanctionnés solennellement par la loi nationale et rendus sacrés par le long respect des générations passées? Ceux qui raisonnent sur le système social devraient bien observer d'un œil calme, et qui ne soit point obscurci par les préjugés, les résultats de l'expérience qui se fait chaque jour de l'autre côté de l'Atlantique. Si je ne me trompe pas, il pourrait apprendre là, mieux que par aucune spéculation abstraite, quels sont les dogmes religieux que les magistrats d'un peuple peuvent permettre, et quels sont ceux qu'ils doivent défendre. Je crois sincèrement que si un adorateur du feu ou un brahmine indien arrivait aux États-Unis, sachant prêcher en anglais, il ne tarderait pas longtemps à avoir une nombreuse congrégation. Il est certain que le gouvernement et la loi ne doivent en aucune manière imposer des entraves aux spéculations religieuses du philosophe, mais il est cependant de leur devoir de contenir dans certaines limites les opinions aveugles et flottantes de la multitude. Il y a réellement quelque chose de pitoyable dans les effets que produit en Amérique la liberté absolue. J'ai connu une famille où, sur 3 femmes, l'une était méthodiste, l'autre presbytérienne et la troisième baptiste, une autre où sur le même nombre. L'une était quaker, une autre athée déclarée et la troisième universaliste. Toutes ces femmes vivaient dans la meilleure société qu'on puisse trouver en Amérique, mais des 6, il n'y en avait pas une qui ne fût aussi peu capable de raisonner sur de pareilles matières que les enfants qu'elle nourrissait, quoique toutes le fussent parfaitement de marcher avec fermeté et conscience dans une voie qui leur aurait été tracée. Mais je m'arrête. Je mériterais qu'on m'appelât moi-même un prédicateur ambulant si je poursuivais plus longtemps. Comme je n'ai pas le pouvoir magique de ma charmante amie Miss Mitford pour donner de la grâce et de l'intérêt aux plus humbles détails rustiques, je ne me hasarderai pas davantage non plus au milieu des chaumières. Mais avant de les quitter, je veux rappeler à mon souvenir l'agréable pensée d'une ou deux voisines d'une classe plus élevée qui me prouvèrent tant de bonté et d'affection dans mes petits embarras domestiques que je ne me souviendrai jamais de Mohawk sans payer un tribut de reconnaissance à ses lointaines amies. Je voudrais pouvoir espérer les retrouver un jour dans mon propre pays et m'acquitter en partie des obligations que je leur dois.